menaces et les grands tourments. Il s'aime tout hésitant, découvrant l'amour, découvrant le temps. Il y a quelqu'un qui se moque, j'entends quelqu'un qui se moque de moi, se moque de qui? Ils s'aiment comme des enfants, amour plein d'espoir, impatient. Et malgré les regards remplis de désespoir, malgré les statistiques, ils s'aiment comme des enfants. Enfants de la bombe, des catastrophes, de la menace qui gronde. Enfants du cynisme, armés jusqu'aux dents. Ils s'aiment comme des enfants, comme avant les menaces et les grands tourments. Et si tout doit sauter, s'écrouler sous nos pieds, s'écrouler sous nos pieds, laissons-les s'aimer. Enfants de la bombe, des catastrophes, de la menace qui gronde. Enfants du cynisme, armés jusqu'aux dents. Ils se...